Merci Maïlys, à demain. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième moment de notre série consacrée au poète portugais Fernando Pessoa. Dans une émission que nous devons à Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travagli-Chanal et Thibaut Nassimben. L'enfance de Fernando Pessoa s'est mise à ressembler à celle de Baudelaire quand, après la mort de son père, sa mère s'est remariée avec une sorte de général au pic, consul du Portugal à Durban, qui emmena la famille avec lui en Afrique du Sud. Ce fut un traumatisme pour le futur poète, mais il y en eut bien d'autres, comme la folie de sa grand-mère et des morts dans sa fratrie. Ainsi que nous l'avons vu lundi lors de notre émission biographique, c'était avec Patrick Quillier. Et puis hier, Pascal de Thurens, auteur d'un essai sur la littérature de Pessoa aux éditions Infolio, est venu nous parler de ses hétéronymes les plus célèbres, Alberto Cairu, Ricardo Reich ou encore Alvaro de Campos. Il nous a raconté la vie de ces êtres de papier. Enfin, demain, je recevrai Teresa Rita Lopez, qui a dirigé la réédition chez Christian Bourgois du Livre de l'intranquillité, rebaptisé par elle Livre de l'inquiétude. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie, nous parlerons du lien de Pessoa avec sa ville de Lisbonne. Ce sera avec Maria José de Lancastre, qui a édité notamment une anthologie intitulée « Lisbonne revisitée ». Et en première partie, eh bien pour parler du rapport qu'entretenait Pessoa avec son pays, le Portugal, et son histoire, nous sommes avec vous, Judith Balso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un essai intitulé « Pessoa, le passeur métaphysique » que vous avez publié en 2006 dans la collection « L'ordre philosophique des éditions du Seuil » où ce livre a été également réédité depuis, mais cette fois en version numérique. Vous consacrez un chapitre justement à ce qui est notre sujet d'aujourd'hui, le rapport entre Pessoa et son pays. Et pour parler de cela, le mieux est sans doute de commencer en évoquant ce poème intitulé « Message » parce que initialement, ce long et grand poème devait s'appeler « Portugal », Judith Balso. Oui, absolument. Si l'on commence par Message, d'une certaine manière, on commence par la fin du rapport de Portugal à son pays, c'est-à-dire par ce moment des années 30 où tout à coup le salazarisme se dessine et du côté de Pessoa, il y a l'idée et le projet assez étonnant qu'il devrait être possible de disputer au salazarisme le rapport à l'histoire portugaise. C'est la raison pour laquelle il décide, en effet, alors qu'il n'a encore rien publié, sauf dans des revues, c'est la première fois qu'il décide de publier un livre, et il décide de publier Message. Message, mensagem, étant prélevé sur une phrase latine, mens agitat molem, qui signifie « l'esprit meut la matière ». Et donc, ça dit le projet véritable de Pessoa avec ce livre, c'est l'idée que le Portugal, en tant que pays, devrait pouvoir être orienté à partir de son histoire sur une base qui travaillerait plutôt du côté de l'universel et du cosmopolitisme que du côté du nationalisme qui va être la chape de plomb qui va s'abattre sur lui avec Salazar. Donc, il décide de publier ça à l'exclusion de toute autre chose. C'est un acte très fort parce que cela signifie que ce qu'il considère comme méritant d'être publié, ce qui doit finalement avoir un acte, faire acte dans le monde réel, c'est de parler, de donner sa vision du Portugal. Absolument. Absolument. Alors, il y a différentes raisons à cela. D'abord, il faut quand même se souvenir et donc revenir quelques années auparavant. Le retour de Pessoa à Lisbonne c'est un moment décisif de sa vie. On a l'impression d'ailleurs que tout le séjour en Afrique du Sud, qui a très peu marqué son œuvre, sauf par les références anglaises, le passage par la langue anglaise, on a l'impression que ce séjour a laissé vraiment très peu de traces et que ce qui va compter pour lui, c'est la possibilité d'écrire en portugais. Mmh. Il le dit d'ailleurs, je crois que c'est en septembre 1908 qu'il décide, quand il prend la décision d'écrire en portugais. Et un peu plus tard, il dira cette phrase magnifique, il dira « Ma patrie, c'est la langue portugaise ». Donc il y a chez lui une intrication entre l'idée du pays et l'idée de la langue qu'il va choisir comme sa langue d'écriture. Et je pense que son dévouement au Portugal est total. C'est quelqu'un qui, au fond, toute sa vie aura l'idée de relever ce pays, dont il sent bien que c'est un pays abaissé. Abaissé d'abord par sa participation et sa place très médiocre dans la guerre de 14. C'est le premier moment de crise pour lui. Abaissé aussi par ce qu'il appelle à un moment ses hontes nationales en Afrique, c'est-à-dire le colonialisme. Il est anticolonialiste. Il ne fait pas de déclaration anticoloniale, mais on sent dans l'ultimatum qu'il n'a que répugnance pour ça. Oui, il a un des poèmes, c'est plus qu'un poème, c'est une espèce de pamphlet écrit par Alvaro de Campos. Et on sent que dans ce document, il est dans un violent dégoût et rejet de tout ce qui enferme le Portugal dans cette étroitesse, que ce soit l'étroitesse du colonialisme, l'étroitesse d'une politique qui à ce moment-là hésite entre monarchie et république, mais aussi l'étroitesse intellectuelle, puisque ce dont il va souffrir beaucoup, surtout après la mort de son ami Sarcarneiro, qui va se suicider à Paris, il va souffrir beaucoup de cet isolement. Et d'un certain provincialisme, enfin de ce qu'il considère comme étant un certain provincialisme de la vie intellectuelle, et pas seulement d'ailleurs, du Portugal de cette époque-là. Tout à fait. Et on peut même dire que son projet, le projet des hétéronymes, est en partie une invention qui naît de ce manque et de l'idée créer au fond ses propres interlocuteurs, avoir une figure multiple de la poésie et de la création et pas une figure unique pour pouvoir être dans un constant dialogue comme ça avec différentes figures. Alors, Message est publié en 1934, c'est donc peu avant sa mort, mais c'est deux ans après l'arrivée au pouvoir de Salazar. Bon, cette arrivée au pouvoir, elle est progressive, on ne va pas refaire toute l'histoire du Portugal, mais c'est quand même ce contexte-là qu'il faut aussi souligner. Oui, et c'est un contexte que lui, Pessoa, va ressentir très fortement, puisque il va prendre la décision, un peu avant sa mort, de cesser d'écrire et de cesser de publier, précisément parce qu'il aura le sentiment que le projet de Message aura échoué, qu'en réalité son appel à faire du Portugal un lieu qui soit un lieu d'universalité, un lieu de cosmopolitisme aussi, comme il dit, ça n'aura pas réussi à exister. Il sent bien que l'emprise de Salazar est de plus en plus forte et donc il prend une décision quand même radicale. Est-ce qu'on est sûr que c'est en lien par rejet de Salazar et de sa politique qu'il arrête d'écrire? Je veux dire, il le dit comme ça? Il le dit explicitement, il le dit dans une lettre à un ami, je n'ai plus la référence en tête, mais il le dit, il dit « j'ai pris la décision ». Et vous savez aussi peut-être qu'il avait, avant ça, il était intervenu publiquement contre les lois qui frappaient les francs-maçons. Il avait pris une position publique, ce qui était extrêmement courageux de sa part dans cette conjoncture, pour dénoncer ces lois et pour déclarer que, quant à lui, il ne participerait d'aucune façon à ce genre de persécution. Alors évidemment, Judith Balsou, ce qui trouble un petit peu le message de Message, c'est que ce poème a reçu finalement un prix qui s'appelle le prix Antero de Cantal, qui était un prix devant récompenser la meilleure œuvre poétique nationaliste. Alors évidemment, on a tendance du coup à imaginer plutôt une collusion, une convergence de vues entre l'État salazariste qui commence à se fortifier de plus en plus et puis Pessoa à travers justement ce prix-là. Oui, je sais, ça fait partie des nombreux malentendus qui existent à propos de Pessoa. Mais alors, on ne peut réfuter cette proposition qu'en étudiant de près l'ensemble du poème, puisque c'est un poème très composé. Et quand on le regarde de près, on voit que ça n'est absolument pas un poème qui serait un poème d'exaltation nationaliste. C'est au contraire un poème qui essaie de scruter tout ce qui, dans l'histoire du Portugal, a pu être positif, comme par exemple la période des découvertes, à propos de laquelle il essaie de distinguer entre l'aventure portugaise en la matière et l'aventure plus impérialiste, d'une certaine manière, de l'Espagne. Il y a un des poèmes où il s'en prend à ce qu'il appelle les colons. Oui. Colons, C-O-L-O-M-B, c'est-à-dire Christophe Colomb, tous ceux qui avaient comme objectif de gagner ce qu'il appelle un empire de terre. Mmh. Et lui, il propose une interprétation de l'aventure portugaise comme une aventure intellectuelle. Il dit à un moment donné, la grande idée des découvertes, c'est l'idée de découverte. Oui, mais est-ce que ça tient ça? Parce que quand même, c'était une colonisation aussi. Absolument, c'est une colonisation très violente. Mais ce dont je parle là, c'est la manière dont Pessoa essaie de retravailler cette histoire pour lui donner une signification autre, pour en faire finalement un point d'appui dans une conjoncture, comme il dit, critique de la subjectivité nationale, en essayant d'indiquer qu'il y avait à l'intérieur de ça un autre chemin, enfin une autre voie qui s'esquissait, qui est cette voie qui est pour lui la voie du cosmopolitisme et dont il dit souvent que son objectif, c'est que dans chaque pays, tous les pays puissent coexister à l'intérieur d'un seul et même pays. Donc c'est un projet qui est absolument un projet universaliste. C'est le contraire du projet colonial. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Ó mer salé, combien d'étincelles tu contiens de larmes versées par le Portugal. Pour t'avoir sillonné, combien avons-nous fait pleurer de mère? Combien d'enfants avons-nous fait prier en vain? Combien de fiancés sans époux sont restés pour que tu fusses nôtre, ô mère salée? Dirons-nous que cela valut la peine? Tout vaut la peine dès que l'âme n'est pas petite. Qui veut passer outre le beau jet d'or doit passer outre la douleur. Dieu a mis dans la mer le péril et l'abîme, mais il fit d'elle aussi le seul miroir du ciel. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons du rapport de Pessoa avec sa patrie, le Portugal, avec vous, Judith Balso, et cet extrait donc de Message. Ô mer salée, combien dans ton sel contiens-tu de larmes du Portugal? C'est aussi une vision sentimentale, une vision mélancolique de son pays. Oui, c'est une vision d'une grande affection pour ce qui constitue, encore une fois, son lieu véritable. Et non seulement le Portugal, mais Lisbonne même, puisque finalement le Portugal, chez lui, se resserre autour de Lisbonne. Il bougera très peu de Lisbonne, en fait. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, justement, ce qu'il dit et ce qu'il pense du Portugal et de ses compatriotes dans ce poème? Dans l'ensemble des messages? Mmh. Il les exhorte à finalement à agir comme Ulysse dans un autre poème qui est la comédie de Dante. Il y a un chant de cette comédie qui est magnifique dans lequel Ulysse rentre d'abord à Ithaque et puis ensuite il va repartir avec un équipage dans l'idée qu'il faut dépasser les limites du monde connu. Et au fond, c'est la même exhortation chez Pessoa en regard de son propre pays et de son propre peuple. C'est l'idée, il faut aller vers ce qu'il appelle la mer infinie. Il dit la mer portugaise, c'est la mer infinie. Ça n'est pas, il faut pouvoir vivre en étant du côté de l'invention, du côté de la création, pas du côté de la consommation inerte, comme ça, de la vie. Donc c'est un poème qu'il faut tout de même déchiffrer. Il ne se donne pas facilement à comprendre. Non. Et moi, il m'a demandé beaucoup de travail sur l'histoire portugaise pour essayer précisément de voir comment, entre l'épisode historique et le travail fait par le poète, il y avait parfois une distance, il y avait une interrogation qu'il introduit à l'intérieur. Ça, c'est très présent. À propos du mythe du roi Sébastien. Alors il faut raconter qui est ce roi Sébastien. Quand on va au Portugal, il y a toujours un moment où on va vous en parler. Oui. C'est vraiment l'histoire mythique de ce roi disparu, mort, mais dont certains pensent qu'il n'est en fait jamais mort et qu'il reviendra un jour. Mmh. Expliquez-nous ça, Judith Balso. Ah, ça, c'est une histoire absolument incroyable. Au départ, c'est une espèce de folie... de folie solitaire. C'est un roi qui décide de partir à la conquête de l'Afrique dans un projet mégalomane, comme ça, et un peu fou. Mais enfin, il arrive à lever une armée de 17 000 hommes et il va s'engager dans une bataille au Maroc. Et là, toute l'armée va être détruite. On est au XVIe siècle. On est au XVIe siècle, oui, je crois que c'est 1578, la bataille d'Alcacer-Quibir. Et lui-même va disparaître dans la bataille, dans des conditions... On ne retrouvera pas son corps. Donc, c'est à partir de là que le mythe va se forger. Mais le mythe va se forger parce que ce qui est à l'arrière-plan de ce projet, c'est le rapport entre Portugal et Espagne et la question de l'indépendance portugaise. Parce que immédiatement après la disparition du roi, ce qui va se jouer, c'est est-ce que le Portugal doit rester un pays indépendant ou est-ce qu'il doit accepter la domination espagnole. C'était un très jeune roi qui avait moins de 30 ans et se pose la question de sa succession. De la succession. Et là, en fait, il y a un clivage qui fait que d'un côté, du côté populaire, en fait, les gens veulent rester indépendants, mais du côté des nobles, de la bourgeoisie, etc., le choix est de s'allier avec l'Espagne. Et c'est à ce moment-là que naîtra la première légende écrite, celle d'un cordonnier qui s'appelait Bandara, qui va écrire comme ça une série de couplets racontant cette histoire et annonçant que le roi dont Sébastien reviendra. Et que quand il reviendra, le Portugal reviendra avec lui. Donc, et en effet, c'est vrai qu'il y a eu une annexion pendant plusieurs décennies de l'Espagne. Donc le roi dont Sébastien, du Portugal par l'Espagne. Oui, le roi dont Sébastien est resté finalement l'emblème de ce que pouvait être le Portugal en tant que figure indépendante. Mm-hmm. C'est pour ça que dans Message, on trouve cette idée que, puisque le pays est au plus bas, de nouveau, peut-être... que ça va être les conditions du retour, comme ça, d'une force subjective du pays. Et alors là où ça va encore plus loin, et où on passe dans une dimension qui est une dimension peut-être un petit peu ésotérique, c'est l'idée du Cinquième Empire. Oui. Le Portugal aurait vocation, le jour où ce roi reviendrait, à devenir le chef de file d'un nouveau grand empire. Alors après quoi? Après la Grèce, après Rome, après le christianisme. Et puis j'en oublie l'Angleterre peut-être, qui serait l'empire de la modernité. Et donc le Portugal, ce serait l'empire de quoi alors? L'empire de l'universel. L'empire de l'universel et du cosmopolitisme. C'est pour ça que c'est très très intriqué dans Message, comme ça, avec cet appel au peuple portugais à ne pas finalement s'engloutir dans le nationalisme, mais à au contraire revisiter toutes les figures de son passé pour renouer, comme ça, avec ce fil, avec cette ambition... C'est ésotérique, mais c'est aussi, comment dire, c'est comme une belle hypothèse sur le futur. C'est comme un projet proposé comme ça à tous. Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit et de la personnalité même de Pessoa, qui s'en remet quand même pour sauver son pays à une légende, quelque chose d'un peu intangible? Il ne s'en remet pas seulement à une légende. Encore une fois, il travaille sur l'histoire portugaise, il la revisite, il fait tout un travail qui est un travail intellectuel très, très fort, comme ça. Et ce n'est pas à la légende qu'il s'en remet, il s'en remet à une confiance dans une capacité politique des gens eux-mêmes. C'est quand même ça son espoir, qui va être démenti longuement par l'instauration du salazarisme. Mais encore une fois, Pessoa, sa vie entière était dédiée à l'idée d'arriver à faire que le Portugal soit à nouveau un site fort de l'universalité. Oui, et finalement, il y aura réussi par son œuvre. Oui. Puisque c'est lui qui lui redonnera cette universalité. Et c'était d'ailleurs un petit peu ce qu'il anticipait. Oui, alors avec il faut raconter cette histoire, parce qu'on a considéré à un certain moment, dans sa jeunesse, qu'il avait un petit peu, outrepassé la modestie en prophétisant qu'il allait devenir le nouveau grand poète portugais après Camões, ce qu'il est quand même devenu. Oui, et je ne suis pas sûre qu'à ce moment-là, il parlait exactement de lui-même. Il faisait l'hypothèse que allait surgir, dans les conditions du Portugal, un super Camões, en effet. Mais c'est au moment où il n'avait pas encore écrit lui-même de poème. Donc, il savait, c'était ses années de formation, il savait qu'il allait devenir lui-même poète ou écrivain. C'est compliqué, c'est ça Carneiro qui l'incitait beaucoup à écrire, à apparaître comme poète, comme il dit. Mais lui était encore assez hésitant, assez réservé. Donc c'est un texte qui est à mi-chemin entre une autoprophétie et peut-être le premier pas d'une autoréalisation. Oui, c'est possible. Compagnie des auteurs sur France Culture. L'article de Pessoa dont on parlait à l'instant, Judith Balso, il s'appelait « La nouvelle poésie portugaise sociologiquement considérée ». C'est là où il déduisait d'une analyse de la conjoncture portugaise l'inévitable apparition d'un grand poète, plus grand encore que Camões. C'est peut-être le moment justement de parler avec vous de ces années de jeunesse qu'il faut considérer politiquement aussi et par rapport à la dictature. Alors on n'est pas encore avec Salazar à ce moment-là, mais dans les années 1907-1908, on se rend compte qu'il était engagé finalement contre la dictature de l'époque, celle de Franco, il ne faut pas confondre évidemment avec l'Espagnol. Avec l'Espagnol, là cette fois c'est João Franco. Racontez-nous un peu tout ça. Il est même à la tête à ce moment-là d'une grève d'étudiants en fait, une grève qui échouera et à la suite de quoi il quittera l'université. Il interviendra aussi à différentes reprises, y compris alors contre l'opinion publique étudiante, puisque par exemple, il avait écrit et distribué des tracts pour défendre un poète qui était attaqué à cause de son homosexualité. Donc c'est un homme qui a toutes sortes d'engagements. Et c'est un point qu'on oublie souvent. Qu'on oublie ou qu'on fait exprès d'oublier Peut-être ça arrange certainement certains d'oublier ces points-là. Mais d'un autre côté, il y a aussi tout un pan de son œuvre qui est oublié parce qu'il n'est pas dans le registre de la création littéraire ou poétique, qui est précisément ce qu'il appelle la sociologie. Mmh. Et en fait, la sociologie, c'est sa propre pensée, sa propre analyse des différentes conjonctures portugaises. Et il va avoir aussi, au moment où justement la monarchie s'écroule et la République s'installe, il va avoir un rapport très très scrupuleux et aigu à ce que c'est que cette nouvelle République. Est-ce que véritablement elle tient les promesses d'une République ou est-ce qu'en réalité elle est encore corrompue par bien des côtés, par les aspects qui étaient déjà ceux de la monarchie ? Donc là aussi, il fera des interventions publiques, enfin Álvaro de Campos fera des interventions publiques contre... des gens dont il estime que ce sont des républicains de nom, mais en fait des figures corrompues de la politique. Mmh. Et il y a vraiment chez lui tout un pan de sa pensée qui porte sur la politique, l'étude de la politique, l'analyse de la politique. C'est très intéressant aussi, c'est à distance des poèmes, ça ne se répercute pas directement dans les poèmes. Alors, est-ce que justement, il fait la distinction entre ce qu'écrivent ses hétéronymes et ce que lui écrit en son nom propre quand il parle de politique ? Absolument. Absolument. Les poètes, eux, manifestent tous, chacun à leur manière, un principe de distance à la politique qui est tout à fait justifié. Et sous différentes manières, Caïro se moque des prêcheurs de vérité qui viennent prêcher la justice devant l'auberge. Campos se moque des âmes charitables à la Dostoïevski, des humanitaires, etc. Reiss, lui, est partisan d'une espèce de stoïcisme qui est complètement coupé de la conjoncture historique. C'est le grand poème où il décrit d'ailleurs magnifiquement des joueurs d'échecs en Perse qui, au moment où l'Empire s'effondre, continuent imperturbablement leur partie d'échecs. Mmh. Sans prêter attention ni au danger, ni à tout ce qui se produit autour. Donc il est toujours, dans la poésie, il manifeste que la poésie, en tant que telle, ne peut pas prendre en charge la question de la politique. Qu'elle doit tenir cette question, elle n'en est que par le fait qu'elle est à distance. Mais on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de relativisme essentiel chez Pessoa, puisque finalement il fait parler ses divers hétéronymes, chacun... ayant son point de vue finalement sur la situation politique, mais peut-être que lui, Pessoa, quand il signe de son nom propre, il a une vision qui est très claire. Je pense, mais par ailleurs, je suis opposé à l'idée qu'il y aurait un relativisme de Pessoa. Il était lui-même opposé à ça. Il dit à un moment donné, il ne faut pas prendre le fait que je présente comme ça différents points de vue pour un scepticisme. En réalité, quand on regarde de près, c'est beaucoup plus un dialogue qui s'établit entre les différents hétéronymes. C'est l'idée aussi qu'on ne peut pas constituer une figure globale ou synthétique parce que, au fond, chaque question doit trouver son propre chemin, sa propre réponse. Et c'est pour ça que c'est fascinant quand on lit les poèmes parce qu'ils ne se contredisent pas. En réalité, on circule de l'un à l'autre et ils se complètent. Et ça, c'est un dispositif qui a une force inouïe. Vraiment. Est-ce que Pessoa était un lecteur de journaux? Parce que, encore une fois, mais c'est sans doute sa légende, hein, on l'imagine tellement retiré en lui-même, dans son univers propre, que... Alors évidemment, il allait dans les cafés et puis il discutait aussi, mais est-ce que c'était un lecteur de journaux? Absolument, c'est un lecteur de journaux. C'était quelqu'un, encore une fois, qui prêtait une très grande attention à l'actualité politique de son pays et qui échangeait là-dessus... pendant tout un temps, par exemple, quand ils ont décidé avec Sacarnero de créer Orphée ou la revue Orphée, c'était bien dans l'idée d'intervenir dans une conjoncture du biais de la poésie et du biais de l'idée d'une figure d'avant-garde malgré tout, mais parce qu'ils étaient parfaitement conscients, encore une fois, de l'état quand même assez misérable de la vie politique et intellectuelle du Portugal. Donc, il crée Orphée où, mais il a une volonté de s'inscrire vraiment dans l'action, d'éditer par exemple des œuvres littéraires nationales qui ont été oubliées, ou plutôt de les rééditer, de créer des magazines, de créer une revue scientifique. Est-ce qu'il y est parvenu parce qu'il y a une certaine timidité chez Pessoa et finalement, même s'il a été cet agent catalyseur, cet aiguillon de la culture portugaise de cette époque-là, on n'a pas l'impression qu'il ait vraiment totalement révolutionné à son époque. Hein. Le milieu culturel, il n'était pas directeur de journal, il n'était pas finalement si connu que ça non plus. Tout dépend de ce qu'on appelle être connu. Il a été le maître successif de plusieurs générations de poètes, en réalité. Il y a un peu là-dessus aussi un mythe concernant Pessoa. L'idée de l'homme complètement inconnu, complètement invisible. En réalité, non, il était lié au courant poétique de son époque. Alors, il a compté dans le milieu des poètes. Mais ça, bon, c'est un peu la situation pour tout poète. C'est rarissime qu'il y ait une situation qui permette qu'un poète compte pour une nation entière. Ça a été le cas de Hugo, par exemple. C'est ça, j'allais citer Victor Hugo. C'est pas Victor Hugo, c'est pas Zola. Non, mais les conditions ne le permettaient pas, je crois. Vraiment. Merci beaucoup, Judith Balso. Merci. Je rappelle que vous êtes professeure de poésie à la European Graduate School de Saas-Fee en Suisse. Votre ouvrage, Pessoa, le passeur métaphysique, est paru aux éditions du Seuil en 2006. Plus récemment, vous avez postfacé la publication des rapports d'Antonio Porta, paru en 2015 aux éditions Nous. Dans quelques minutes, nous évoquerons le rapport de Pessoa, cette fois à Lisbonne. Et c'est juste après la chronique d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec vous aujourd'hui Michel Crépu, directeur de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, on va parler du blog aujourd'hui de la NRF. Vous avez décidé que votre sujet de cette semaine serait George Orwell. C'est vrai qu'il y a une actualité. Il n'y a pas une actualité particulière, sinon que José Camoun, qui par ailleurs est la traductrice de Philip Roth, a proposé, il y a quelque temps, une nouvelle traduction de 1984, qui paraît là, ces jours-ci. Et c'est un livre que j'avais lu adolescent, il y a donc maintenant fort longtemps. Et j'étais très curieux de relire ce livre et de voir quelle impression, de faire la comparaison entre la première impression et l'impression d'aujourd'hui. Et je dois dire que j'ai été absolument ébloui et en même temps fasciné et presque un peu terrifié par ce chef-d'œuvre. C'est vraiment un livre qui est à mettre dans la bibliothèque à côté du Procès de Kafka. C'est très très très impressionnant. Donc ça n'est pas un livre d'adolescent. Non, si, pourquoi pas, puisque j'avais énormément aimé ce livre, mais les lectures adolescentes ne sont pas les mêmes que celles qu'on fait à je n'ose pas dire mon âge. À 32 ans. Oui, c'est ça. Donc elles sont, la lecture adolescente est tout à fait respectable, il ne s'agit pas du tout de la minorer. Mais c'est très intéressant de voir que cette première lecture est confirmée d'une certaine façon par la deuxième lecture qui m'a laissé presque en état de choc. C'est un livre extrêmement impressionnant. C'est peut-être encore plus actuel. C'est toujours ce qu'on dit à propos de 1984. Oui. Mais c'est vrai que ça paraît tellement de plus en plus actuel. C'est un peu le sujet du blog, en effet, ce matin. Mais ce qui m'a frappé, en fait, c'est qu'on, comme on a passé depuis longtemps la date de 1984, on n'est plus du tout dans un rapport de science-fiction. Quand je l'ai lu en 1970, je ne sais même plus, enfin, 1984, vous distillez des informations, nous apparaissait comme Michel. un horizon inatteignable. On l'a franchi depuis si longtemps, donc on ne s'en rend même plus compte. Du coup, c'est plus un livre de science-fiction, mais c'est un extraordinaire livre sur la fascination pour le pouvoir, le désir de soumission, parce qu'en réalité, Big Brother, il n'existe pas. C'est nous qui le suscitons. C'est pas les réseaux sociaux et tout ça, Big Brother. Bon, avant, on disait c'était la télévision, oui, même mais c'était la radio. Les réseaux sociaux sont une invention du désir d'asservissement généralisé qui règne partout maintenant. Un mot peut-être aussi sur la NRF, toujours en kiosque. C'est toujours le numéro 630, Michel Crépu. Y a-t-il encore dans la politique quelque chose de romanesque? Alors, c'est la version complète de l'entretien que j'avais fait avec Emmanuel Macron, toujours. Avec Emmanuel Macron, qui est toujours là. Donc, bientôt, une nouvelle livraison de la Nouvelle Revue française. Et vous viendrez, évidemment, pour nous en parler. Merci. Merci, Michel. À très bientôt. Et c'est la seconde partie de cette émission consacrée au poète portugais Fernando Pessoa dans la compagnie des auteurs. Nous continuons à parler de lui, cette fois sous le prisme de son rapport à sa ville de Lisbonne. Lisbonne, où nous avons rencontré Maria José de Lancastre, l'auteur d'une photobiographie consacrée à Fernando Pessoa, qu'elle avait publié en 1990 aux éditions Bourgois. Elle a également proposé aux éditions Chandaigne un ouvrage, une anthologie qui s'appelle Lisbonne revisitée. On l'écoute. Avant la photobiographie, j'avais déjà fait un petit essai sur les endroits de Lisbonne. Dans une revue italienne, alors je vivais en Italie, et c'était un article simplement qui s'appelait en latin « Peregrinatio ad loca Fernandina ». Et justement, j'avais cherché ces lieux de Pessoa, ces lieux qu'en italien on dit « luoghi deputati », c'est-à-dire les lieux qui ont une signification particulière. C'est seulement après que j'ai fait la photobiographie pour mettre les images près des indications géographiques de la ville que j'avais trouvée. Alors ce Pessoa dans Lisbonne, il se définissait comme le passant de lui-même. Oui, tout est compliqué quand on parle de Pessoa. D'abord, ces photos que j'avais trouvées m'ont fait réfléchir sur le rapport pour Pessoa, son rapport avec la photo. Il a toujours dit qu'il détestait se faire photographier, mais il a conservé d'innombrables photos de lui-même et de ses proches. C'est à cause de ça que j'ai pu faire la photobiographie. Une des choses les plus intéressantes qui regarde la photo, c'est une dédicace qu'il a fait à sa tante après être retourné des années passées en Afrique, où il dit « Je t'envoie cette provisoire représentation visible de moi-même ». Et donc, là aussi, j'ai pris cette dédicace pour chercher au-delà où est le vrai Pessoa et la vraie Lisbonne. Alors, commençons d'abord par la Lisbonne de sa biographie. Quel était son parcours habituel dans Lisbonne? On sait que, par exemple, il prenait le tramway. Ici, le tramway, c'est quelque chose d'iconique. Tous les gens qui sont venus à Lisbonne le connaissent. Comment se mouvait-il à l'intérieur de cette ville? Alors, il n'y avait pas encore le 28 des touristes. Mais c'est vrai qu'il déambulait dans la ville d'une façon incroyable. Ses parcours, qui avaient en même temps quelque chose de maniaque, parce que c'était un peu toujours les mêmes, il y avait une espèce de rituel. D'abord, la géographie, c'était surtout la Baixa qu'il fréquentait. La Baixa, ce sont ces rues quadrillées du centre de la ville. Oui, qui ont été reconstruites par le marquis de Pombal après le tremblement de terre, avec des critères illuministes, et qui ont ces trois grandes voies, qui est la Rua do Ouro, la rue de l'or, la Rua da Prata, la rue de l'argent, et la Rua Augusta, et qui sont d'ailleurs traversées perpendiculairement, donc géométriquement, par des ruelles qui ont les noms des corporations, d'artisans. La plus célèbre desquelles, c'est justement ce que j'allais dire, est celle dos Douradores, où habitait Bernardo Soares, l'auteur du livre de l'intranquillité. Ça veut dire quoi, Douradores? Ceux qui dorent, les doreurs. Là était situé le restaurant où il allait manger presque tous les jours, restaurant qui avait aussi son nom, restaurant Pessoa. Mais je disais, ses parcours étaient les bureaux où il allait faire ce métier tellement fragile, mais qui lui donnait à vivre, c'est-à-dire le traducteur de lettres commerciales. C'est un quartier qui arrive jusqu'au fleuve, donc, où il y a les agences maritimes, où il y a les grands magasins, où il y a les cafés. Les cafés aussi, Pessoa les fréquentait beaucoup. Parce qu'on imagine toujours, Maria José de Lencastre, un Pessoa ne sortant pas de chez lui ou sortant très peu de chez lui, mais en réalité, il avait quand même un rapport avec la ville très fort, un rapport de promenade, de balade, même si vraisemblablement, il n'allait pas tellement au-delà des proches banlieues de Lisbonne. Oui, bien sûr. Il marchait, comme j'ai dit, il déambulait dans la ville. Et ça, pour son travail, et surtout pour rencontrer les amis, aussi pour se promener avec son amour, sa fiancée qui l'a été pendant très peu de temps. Mais j'ai même découvert des petits dessins de parcours pour que les amoureux puissent être ensemble le plus de temps possible. La Lisbonne de Pessoa, c'est aussi la Lisbonne de son enfance. Il y a un petit peu deux moments dans sa vie par rapport à cette ville. C'est avant et après le moment où, avec son beau-père et sa mère, ils sont partis en Afrique du Sud. Il y a Lisbonne 1 et Lisbonne 2, hein, c'est ça, Marie-José de Lancastre ? Oui, et elles sont très différentes. Il y a la Lisbonne 1 qui est celle de l'enfance, une enfance qui pour lui est devenue mythique. C'est la Lisbonne où lui était le roi et personne n'était mort parce que il y a un moment où la famille, lui est le centre de la famille, mais quand il a 5 ans, son père meurt et là il y a une coupure. Son petit frère meurt. Tout commence à avoir un côté très négatif. Alors, il y a les faits, mais il y a aussi, comme est recréée dans son imagination, cette enfance qui devient vraiment mythique et qu'il raconte dans des poésies, surtout de Álvaro de Campos, comme « Anniversaire ». Alors, dans cette première enfance, l'enfance mythique, la famille habite dans une des places les plus élégantes de Lisbonne, de San Carlos, devant le théâtre d'opéra construit au XVIIIe siècle. Et là, qui est un endroit important pour Pessoa, parce que son père, le soir, fait le critique pour un journal, et donc il doit connaître, il doit voir les spectacles d'opéra qu'il y a dans la ville. Mm-hmm. Et tout ça fait partie de cette enfance mythique qu'il raconte dans ses poèmes. Et la seconde Lisbonne, évidemment, elle est moins agréable parce que c'est une Lisbonne où d'abord on a moins d'argent, où on vit en déménageant beaucoup, dans des meublés, dans des hôtels. Ça ressemble à quoi la vie de Pessoa, sa vie d'adulte finalement à Lisbonne, justement dans un plus grand dénuement? Oui, bien sûr, elle est complètement différente et c'est, comme vous l'avez dit, une Lisbonne quelquefois d'énorme solitude. D'abord, quand il revient de l'Afrique, il y a encore la famille. Et il y a une quantité de femmes, les grandes tantes, sa tante Maria, ses cousins. Mais après, pour des raisons de la vie, quelques-unes meurent, les autres doivent partir. Tante Marie va en Suisse et il reste pratiquement seul. C'est là qu'il fréquente beaucoup les groupes des jeunes intellectuels et des jeunes artistes. C'est là qu'il se lie avec Mario de Sá Carneiro, l'autre grand poète de la première moitié du XXe siècle, en ayant même avec lui un rapport spécial d'entente. C'est l'ami du cœur, l'ami de l'âme. Ils se comprennent, tous les deux ont des blessures dans l'âme, disons comme ça, et tous deux ont le génie. Donc, ce sont eux, les grands poètes du groupe. Même si après, il y a tous les autres, Almada Negreiro, Santa Rita Pintor, et ceux que Mario de Sá Carneiro rencontrera à Paris. Alors, Maria José de Lancastre, vous nous avez parlé finalement d'une Lisbonne réelle. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'une autre Lisbonne qui est peut-être plus réelle encore pour Pessoa, qui, on le sait, vivait dans un monde un petit peu parallèle qu'il s'était créé. On peut commencer peut-être en parlant de la Lisbonne telle qu'elle est racontée et telle qu'elle est vécue par ses différents hétéronymes. Comment vivent-ils, eux, à Lisbonne ? Bien sûr, là, la vraie topographie de Lisbonne, il ne faut pas la chercher dans toutes ces images, ni même dans l'iconologie qui désormais a à voir avec Pessoa, c'est-à-dire celle que voient les touristes, c'est-à-dire des objets qui deviennent comme des représentatifs de Pessoa. Oui, il y a aussi cette statue en bronze devant le café qui s'appelle A Brasileira, où allait justement Pessoa, et les touristes se font prendre en photo sûr, sur les genoux de Pessoa. Pour, euh, pour qu'elle lui donne. ces talismans dont je parlais, outre la statue de Pessoa, il y a aussi ces objets que les peintres ont représentés, c'est-à-dire la petite tasse de café que Almada Negreiro a mis devant lui, le chapeau au bord large, chapeau sombre, l'imperméable, c'est-à-dire toutes ces choses que sont représentées dans ces objets qui maintenant font partie de l'iconologie et qui sont liés à Lisbonne. Mais comme on disait, ce n'est pas ça la vraie iconographie de Lisbonne. Celle-là est l'iconographie intérieure. Et vous m'avez fait posé une question, comment ces hétéronymes, quel rapport ont-ils avec la ville? Et bien sûr, ceux dont je peux parler sont Álvaro de Campos et Bernardo Soares, parce que Alberto Cairo vit dans sa colline du Ribatejo et il ne fréquente pas Lisbonne. Ricardo Reis, dans son monde classique, ne s'intéresse pas à Lisbonne, mais il y a ces deux hétéronymes. Álvaro de Campos, qui parle toujours de Lisbonne, et là, nous avons dans les premières années l'ode maritime, et donc ce fleuve qui est très présent dans l'œuvre de Pessoa, le Tage, et le port, les quais, où arrivent et d'où partent les navires, et nous le dirons après d'une autre façon pour la topographie intérieure. Et après, pour Álvaro de Campos, il y a la Lisbonne où il se sent étranger, comme partout, parce qu'il se sent loin. Il n'est pas ancré dans un vrai décor. Alors on pourrait peut-être regarder un petit peu dans votre anthologie, Maria José de Lencastre, pour essayer de voir précisément comment est-ce que Lisbonne a pu être une muse pour Pessoa ou pour ses hétéronymes. Est-ce que vous pourriez nous lire quelques lignes? Bien sûr, on parlait de Álvaro de Campos et du fait qu'il se sentait étranger là. J'ai trouvé ici les vers, quand il dit « Au ciel bleu, le même que celui de mon enfance ». Éternelle vérité vide et parfaite, au Tage onctueux, ancestral et muet, humble vérité où le ciel se reflète. Ô chagrin revisité, Lisbonne de jadis d'aujourd'hui, vous ne me donnez rien, ne m'ôtez rien, rien en vous ne permet de me retrouver. C'est tout le pessimisme d'Álvaro de Campos. Mais lui aussi, Álvaro de Campos, c'est lui qui parle cet anniversaire de la première enfance de Pessoa. Tandis que Pessoa a donné toujours des petites phrases, des petits vers de très courts, mais qui sont restés. Par exemple, Lisbonne avec ses maisons de diverses couleurs, opposées à Alain Tanner ou à Baudelaire qui voit la ville blanche. Il y a surtout le quai de l'Ode maritime pour Álvaro de Campos. Ah, j'avais trouvé le réveil de Lisbonne plus tard que les autres. Vous qui maintenant fréquentez Lisbonne, vous avez vu ça. C'est absolument vrai, cette ville qui se réveille plus tard que les autres. Donc, il y a une attention très grande de la part de Pessoa à ce qui se passe dans la ville. Il parle aussi, par exemple, de personnages avec Bernardo Soares, le vieux qui vend la loterie. Et pour Álvaro de Campos, c'est le patron du bureau de tabac. Alors ce bureau de tabac, il est très important, Maria José de Lencastre. Vous pouvez nous dire pourquoi? Oui, alors c'est là que nous arrivons à la topographie intérieure de Pessoa, qui est dans son œuvre, vraiment, que nous pouvons voir comme le bureau de tabac dont parle Álvaro de Campos, un immense bureau de tabac. Et ce bureau, nous parlons de Lisbonne. Lisbonne comme un immense bureau de tabac, qui est la métaphore du tourment intérieur qui n'abandonne pas Álvaro de Campos. Pourquoi c'est un bureau de tabac, Lisbonne? Parce que dans la poésie bureau de tabac, ce bureau de tabac que le personnage qui parle, qui dit « je » et qui est à la fenêtre et qui regarde ce bureau de tabac devant lui, qui est le réel massif et qui s'impose et qui est contre ce que lui est en train de penser. C'est le réel, c'est ce mystère, ce tourment dont Álvaro de Campos parle beaucoup de fois, et ce contraste, cette lutte entre le réel massif et ce que le poète, ce que nous avons dans notre tête, ce que nous pensons. Alors, on peut se poser la question aussi de savoir si le Lisbonne de Pessoa, c'est l'équivalent de Prague pour Kafka ou de Dublin pour Joyce. On a l'impression que, comme pour ces deux grands écrivains, on ne pourrait pas retirer Pessoa de Lisbonne. Absolument. Maintenant, la Lisbonne de Pessoa est symbolique comme celle de Leopold Bloom qui parcourt le labyrinthe de la ville de Dublin, ou l'agrimenseur Cap qui tente sans réussir d'entrer au château. En tout cas, je voulais dire aussi, parlant de cette topographie intérieure, que Lisbonne peut être aussi, avec son port, le symbole d'un autre port avec la majuscule, auquel, à un certain moment, est arrivé du néant l'être, et duquel, à un certain moment, d'un tel moment, dont nous ne savons pas quand, etc., l'être repart pour le néant. Donc, la ville a ce poids métaphysique. Et métaphysique, qui est la poésie de Pessoa. Pour terminer, Maria-José de Lancastre, si vous avez encore un extrait à nous lire, peut-être en portugais et en français ensuite. Ode marítima, sozinho no cais deserto, a esta manhã de verão, olho para o lado da barra, olho para o indefinido, olho, e contenta-me ver, pequeno, negro e claro, um paquete entrando. Vem muito longe, nítido, clássico à sua maneira, deixa no ar distante atrás de si a orla lavando o seu fumo. Vem entrando, e amanhã entra com ele, e no rio, aqui, acolá, acorda a vida marítima. Erguem-se velas, avançam rebocadores, surgem barcos pequenos detrás dos navios que estão no porto. Há uma vaga brisa, mas a minha alma está com o que vejo menos, com o paquete que entra, porque ele está com a distância, com a manhã, com o sentido marítimo desta hora, com a doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea, como um começar a enjoar, mas no espírito. E em francês? Ode maritime. Seul sur le quai désert, ce matin d'été, je regarde vers la barre, je regarde vers l'indéfini, je regarde et me contente de voir, petit, noir et clair, un paquebot qui entre. Il vient très loin, net, classique à sa manière. Il laisse dans l'air lointain derrière lui l'ourlet vain de sa fumée. Il entre maintenant, et le matin entre avec lui, et sur le fleuve, ici, là-bas, s'éveille la ville maritime, les voiles sont hissées, les remorqueurs avancent, surgissent de frêles esquifs derrière les navires à l'ancre. Il y a comme une brise, mais mon âme se trouve auprès de ce que je vois le moins. Auprès du paquebot qui entre, parce qu'il est avec le lointain, avec le matin, avec le sens maritime de cette heure. avec la douceur douloureuse qui monte en moi comme une nausée, comme un début de cœurement, mais dans l'esprit. Merci beaucoup, Maria José de Lancastre. Voilà donc pour cet entretien donc avec Maria José de Lancastre. Je rappelle que son anthologie de textes de Pessoa s'appelle Lisbonne Revisitée. Elle a paru il y a peu aux éditions Chandaigne. Et puis je rappelle également sa photobiographie de Pessoa publiée en 1990 aux éditions Bourgois. Demain, nous terminons notre semaine avec la spécialiste de Pessoa, Teresa Rita Lopez, qui nous parlera notamment de sa nouvelle édition du livre de l'intranquillité, rebaptisé Livre de l'inquiétude. Mais tout de suite, et comme chaque jour, c'est le moment de retrouver Jacques Bonafé et ses lectures de poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Ce jour, Olivier Appert. Traducteur, transmetteur, il vient d'une autre planète, non, d'Orient, lui non. Il est apparu ici dans ce remarquable ouvrage sur la poétesse Mina Loy. Il n'est ni vie ni mort. Voyez vos cahiers, je crois que c'était vers février. Or, il se trouve qu'Olivier Appert traduit sa propre poésie, traduit ses émotions en poésie, en VO direct. Si et seulement si, paraît aux éditions Lanskin. Ça commence par... Le livre s'ouvre un par faux départ en séjour linguistique scolaire l'ange B. Il est question de l'ange B. Plus loin, au volant du Triomphe TR5, modèle rouge Tifosi de 1969, 2498 cm3, 150 HP et overdrive, décapotant le ciel de vaste rivale, juste au bord de la falaise, je frôle l'ange B, effrayé par l'idée que sa chevelure en écharpe d'écume vienne soudain s'en mêler aux roues à rayons chromés. Ce n'est pas ainsi que j'avais prévu d'en finir. Avançons. Plus loin, poémomatique. Plus loin... Chapitre « La folie couvre-chef, paracétamol ». Ou le premier, « Bromazépam ». Ça, c'est du titre. « En veux-tu, en voilà ». À l'instant, je me souviens d'un poète autoproclamé entre pithécanthrope au front borné par la gravitation et outrelâche à pastis nuitamment annonné, dont la salive ne cessait de ressasser deux ou quatre titres faisant avec gravité, office de valeur absolue, comme c'était ridicule, pathétique, grotesque ou que sais-je, comme si, par sa métonymie à volonté englobante, le titre, un titre, pouvait, devait signifier le sens d'un livre ainsi, par mémoire imbécile, fixé à quelque obsession déjà sans avenir, dispensé d'être lu. Donc, ça, c'est du titre. En voilà. En voudras-tu ? Au pays de la Papouasie, j'ai caressé la poésie. La grâce que je vous souhaite, c'est de n'être pas papouette. Léon-Paul Fargue, cité dans « Si et seulement si ». Encore, encore. Oh, choisir. Écoute, choisis. Où tu prends ma main, où tu prends la porte. L'enfer et le paradis, que le diable t'emporte. Écoute, choisis, dammi la mano, baby, ou tu prends mon corps, ou tu prends un taxi, Satan maraude au dehors. Écoute, baby, ou tu prends ma vie, ou tu prends le métro, quant à moi j'ai choisi, je rentre à pied sans être trop. Hein? Docteur, ou les trois âges de la vie, docteur, vous qui connaissez la chanson, prescrivez-moi de quoi rire, un verre de lait, un jus de citron, juste pour faire plaisir à maman. It's always the same story and the same old blues again. Docteur, vous qui connaissez cette chanson, ordonnez-moi de quoi vivre, une bouteille de Dom Pérignon ivre, juste pour faire plaisir à Manon. It's always the same story and the same old blues again. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des poèmes d'Olivier Appert et de Léon-Paul Fargue.